un petit bébé, ne finis pas la vie. Voilà mon frère, prends la bande de voyage. Jean-Pascal Mongo, baila, baila. Bienvenue au Royal. On sera sa belle.